بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله. Depuis que l'islam s'est répandu, ses ennemis tentent d'en venir à bout par tous les moyens possibles. Allah Azza wa Jal dit « Yuriduna yudfiu nurallah biafwahim wa ya'ballah illa yutimma nurahu walau kariha al-kafirun » Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière dans des plaises aux mécréants. Ils l'ont tenté à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis à celle de ses successeurs bien guidés, de siècle en siècle, jusqu'à nos jours. Parfois par la violence, en propageant des combats armés, en provoquant des combats armés. Parfois par la ruse, les stratagèmes, les complots et les plans destructeurs. Les phases en attestent, et bien plus, Allah Azza wa Jal atteste de cela dans son noble livre. Allah Ta'ala, « وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا » Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils le peuvent, vous détourner de votre religion. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً Ils aimeraient vous voir mécréants tout comme ils ont mécru. Et quelle attestation est plus grande que celle d'Allah? Et quelle attestation est plus véridique que celle d'Allah Azza wa Jal? Allah connaît les états et les intentions des gens et son attestation est suffisante. Et l'histoire les a démasqués. Voici les propos d'un haut membre du ministère anglais cité par Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Celui-ci a dit, l'Europe ne pourra pas prendre le contrôle de l'Orient tant que le Coran sera dans les mains des musulmans. Et il a cité qu'un chef français en Algérie, avant son indépendance, a dit, nous ne pourrons triompher des Algériens tant qu'ils liront le Coran et parleront arabe. Il faut donc que le Coran disparaisse. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala explique qu'ils ne veulent pas dire que les exemplaires du Coran devaient disparaître des mains des musulmans, mais qu'il fallait que les musulmans n'œuvrent plus avec. Ainsi, El Razo, l'invasion, la conquête, peut être soit militaire, armée, c'est ce qu'on appelle El Razo El Askari, l'invasion armée, ou idéologique, en contrôlant les pensées, c'est ce qu'on appelle El Razo El Fikri. Comment procèdent les ennemis d'Islam? Et laquelle des deux est la plus dangereuse? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, répond à la question en traitant le sujet de façon claire et concise. Il a défini l'invasion idéologique et la conquête des pensées, El Razo El Fikri, comme étant l'ensemble des efforts déployés par certaines nations pour en contrôler d'autres, ou pour influer sur elles jusqu'à suivre une voie précise. Et il a dit que cette invasion est plus dangereuse que l'invasion armée. Pourquoi? Car elle a recours à des moyens secrets et des procédés occultes au début. Les victimes de cette invasion mentale ne s'en rendent pas compte. Ils ne sont donc pas prêts à la repousser et l'affronter. Et en deviennent la proie. Ces gens qui auront été conquis mentalement deviennent malades, aussi bien dans leur pensée que leur perception. C'est ainsi qu'ils aimeront ce que ses ennemis ont décidé qu'ils aimeront. Et ils détesteront ce que ses ennemis ont décidé qu'ils détesteront. Cette maladie ravageuse dévore la communauté et lui fait perdre son identité, ses principes et sa force. Et les gens qui en sont touchés ne le perçoivent pas, ils ne s'en rendent pas compte. C'est pour cela qu'il est très dur d'y remédier. Et sachez, ya ibadallah, que les musulmans en général, et même au royaume d'Arabie Saoudite, sont exposés à cette invasion idéologique. Ils sont soumis à une immense conquête de pensée. Depuis que Salah ad-Din el-Ayyoubi a pris le dessus sur les chrétiens à la conquête des pays musulmans par la force et les armes, les chrétiens ont très bien compris que même s'ils venaient à triompher dans ces guerres, le succès ne serait que temporaire, il ne durerait pas. Ils ont donc réfléchi à un meilleur plan. Après des études, des colloques, des réunions, ils ont trouvé un plan pire que que les guerres armées. Ils ont décidé que les chrétiens devaient envahir les gens mentalement, avoir recours à une invasion idéologique. Pourquoi ? Car prendre le contrôle des pensées a plus d'effet sur les gens que d'essayer de prendre le pouvoir sur terre par les armes. Et les ennemis de l'islam emploient cette conquête des pensées. Pourquoi ? Car elle est plus puissante et a plus d'emprise. Ils n'ont ainsi pas besoin de combattre ouvertement les musulmans par les armes et la force, sauf dans certains cas de nécessité, comme cela s'est passé au Rwanda, au Pakistan, en Irak et autres, et à l'heure actuelle, comme vous le savez très bien, au Yémen, à Tabriz. Ou alors, lorsque le besoin se fait sentir de solidifier leur plaque tournante pour créer des bases et des organismes chargés de livrer une violente guerre idéologique, comme cela s'est passé à Misr, en Égypte, en Syrie, en Irak et ailleurs. Shir ibn Baz, évoque également l'invasion aux Juifs. Il a cité que les Juifs déployaient également tous leurs efforts pour corrompre les musulmans dans leur comportement et leurs croyances. Les Juifs ont des vues dans les pays musulmans et des plans pour cela. Ils en ont atteint certains. Ils ont atteint certains de leurs objectifs et s'activent pour réaliser ce qui reste. Et sachez que même s'ils combattent les musulmans par la force et se sont emparés de certaines de leurs terres, les Juifs leur livrent également une bataille dans leurs idées et leurs croyances. Ils propagent de faux principes, de fausses doctrines et de fausses croyances. Comme el-Masouniya, la franc-maçonnerie, el-Gandhiya, le gandhisme, el-Tijaniya et autres. Et ils s'entraident avec les chrétiens pour parvenir à leur fin. Il y a également l'invasion communiste. Shir ibn Baz, dit qu'elle s'est répandue de nos jours dans les pays musulmans comme le feu dans des débris de bois. Cela est dû en outre à l'ignorance et au manque d'éducation saine et authentique. Les partis communistes en Russie, en Chine et autres ont pu se saisir de toute personne éprouvant de la rancune et de tout offensé qui voudra se venger à la foi faible. Ils s'appuient ensuite sur eux pour propager l'athéisme et les principes communistes. Ils leur promettent les plus hauts rangs et les plus hauts postes. Puis, une fois sous leur emprise, ils les régissent selon leurs principes en les châtiant et faisant couler le sang de celui qui oserait s'opposer ou s'abstenir. Et sachez, ya ibadallah, que même s'ils peuvent diverger entre eux, tous ceux-ci sont unis contre les musulmans et considèrent l'islam comme leur ennemi juré. Shir ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, a dit que les ennemis de l'islam ne sont pas restreints à un groupe précis ou à un parti précis. Il dit que tous les mécréants sont ennemis de l'islam et alliés les uns des autres. Allah Azza wa Jal dit « وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ » Ceux qui ont mécru sont alliés les uns des autres. Et les mécréants utilisent ce qui a été cité dans ce hadith. « وَإِنِّي أَعْطِيتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَعَامَ وَأَلَّا أُصَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَا أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحْ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ من بيقتاره حتى يكون بعضهم يهلك بعضه ويسمي بعضهم بعضا رواه مسلم. Allah عز وجل dit dans ce hadith Qudsi, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai accordé pour ta communauté de ne jamais l'anéantir dans sa totalité par une disette et de ne permettre à aucun de ses ennemis, même s'ils se rassemblaient tous, de s'emparer de leur territoire. Ceci jusqu'à ce que ses propres membres s'entretuent et que les uns fassent des autres leurs prisonniers. Donc les ennemis de l'islam utilisent l'invasion idéologique pour les monter les uns contre les autres. Pourquoi ? Pour qu'ensuite ils s'entretuent. Et à ce moment-là, il leur sera possible de prendre le dessus sur eux. Et c'est là le sens qu'a cité Shir Muhammad, rahimahullah ta'ala, dans Al-Suyuf al-Batira, qui est une réfutation aux communistes. Et on a cité, on a posé cette question à Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala, quels sont les moyens employés par l'Occident pour propager ces idéologies? Shir a répondu par de nombreux moyens, et on a cité certains. Le premier moyen est en tentant de prendre le contrôle des esprits de la jeunesse musulmane, de la jeunesse musulmane. et d'y implanter les principes occidentaux pour qu'ils aient la conviction que la meilleure voie est l'exemple occidental dans toutes choses, que ce soit dans les croyances, les langues, les comportements adoptés, les manières et coutumes, le mode de vie, etc. Le deuxième moyen est de s'occuper de la jeunesse musulmane, de la jeunesse musulmane provenant de tous les pays. Ils les assistent, les éduquent, jusqu'à les imprégner des pensées occidentales. Puis, en retournant dans leur pays, on les vante, on fait leur éloge de façon à obtenir de hauts rangs et de hauts postes dans leur pays. Par exemple, les gens vont vanter tel docteur ou tel ophtalmo. Pourquoi ? Car celui-ci a été étudié dans l'université de tel ou tel pays d'Europe. Et il regarde les autres de haut, comme n'ayant pas atteint le niveau, qu'ils n'avaient rien compris. En quelque sorte, ils étaient des arriérés, que l'exemple parfait était celui de l'Occident. C'est ainsi qu'ils répandent leurs idées occidentales, créent des centres éducatifs qui suivent leur doctrine ou qui sont carrément sous leur emprise. Le troisième moyen employé est de les pousser à apprendre les langues occidentales dans les pays d'islam pour concurrencer notamment la langue arabe avec laquelle est descendu le Coran. قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Nous l'avons fait descendre le Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Et c'est dans cette langue que les musulmans adorent leur Seigneur dans la prière Hajj et autres. Ils poussent donc à délaisser la langue arabe. Certains ne connaissent que peu, pas du tout l'arabe, et vous avez sûrement des exemples dans votre entourage. Le quatrième moyen est de créer des universités occidentales et des écoles évangélistes dans les pays musulmans, ainsi que des garderies, des parcs d'enfants, des hôpitaux, des dispensaires et autres. Ceux-ci deviendront leur foyer et leur repère pour réaliser leur but pervers. Ils vont attirer la haute classe de la jeunesse à étudier. Après, ce sont eux qui occuperont les centres dirigeants et les hautes fonctions et qui aideront leurs initiateurs à parvenir à leur fin dans les pays musulmans. Le cinquième moyen, qu'a cité Cheikh Ibn Baz, est de contrôler les programmes scolaires dans les pays musulmans. Soit directement, en prenant par exemple le contrôle du ministère de l'éducation, ou indirectement, avec des gens ayant étudié chez eux. La plupart d'entre eux seront des outils de destruction en orientant leur programme vers la laïcité sans se fonder sur la foi en Allah Azza wa Jal et ses messagers, ce qui mènera à l'impiété et à la corruption. Par exemple, ils pourront leur inculquer des théories totalement fausses comme celle de Darwin qui prétend que l'homme descend du singe. Et sachez, ya ibadallah, qu'il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce que Cheikh Ibn Uthaymeen dit: même si le musulman n'adoptera pas leur mécréance et leur égarement, il leur suffit de le faire douter dans sa religion. En effet, le doute dans la religion est de la mécréance. Le sixième moyen employé par les ennemis de l'islam est faire étudier de nombreux juifs et chrétiens la langue arabe. Ceux-ci deviendront ensuite enseignants dans les universités. Et la jeunesse musulmane, la jeunesse musulmane qui étudiera chez eux, se chargera alors d'achever ce que leurs enseignants ont commencé. Cela sera d'autant plus aisé qu'ils sont issus de parents musulmans, ont la même souche et parlent leur langue. Chose qui n'était pas donnée au premier. Le septième moyen employé est d'envoyer des groupes évangélistes appelant à la chrétienté chez les musulmans. Ils déploient d'énormes moyens et des budgets colossaux pour cela. Et même si la masse des gens est visée, ils se concentrent plus sur les plus instruits. Puis, ils se réunissent et font des colloques pour faire le bilan. Ils peuvent alors revoir leur plan et les réadapter en fonction de la situation. Ils se sont déjà réunis au Caire en 1906, dans d'autres villes en 1910 et 1911. Ils se sont réunis également à Fil-Quds, à Jérusalem, en 1935 par deux fois. Jusqu'à maintenant, ils se réunissent encore. Le huitième moyen employé est de pervertir les sociétés musulmanes, notamment la femme. Pourquoi ? Car la perversion de la femme est la perversion de la société, sachant que c'est elle qui éduque les générations futures. Ils poussent donc la femme à sortir et à se mêler aux hommes, et les chargent de leurs travaux qu'elles ne peuvent peut-être même pas endurer ni supporter, comme le fait de faire de la politique. Et il prétexte faussement que la femme est victime d'injustice, qu'elle est opprimée, et qu'elle a tel et tel droit, etc., etc. Alors qu'en réalité, leur but est de la faire sortir pour la pervertir, elle, ainsi que les hommes avec lesquels elle est en contact. Pourtant, les limites définies par la législation pour son bien et celui des autres sont claires. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. Je n'ai pas laissé après moi de fitna plus nuisible aux hommes que les femmes. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو. قال الحمو الموت. Un prophète صلى الله عليه وسلم a dit prenez garde à vous introduire chez les femmes. Un homme des Ansar lui demanda et s'il s'agit du hamou. Hamou signifie les proches de des îles, les proches de l'époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit al-hamou al-mout, le hamou, les proches de l'époux est comparable à la mort. Pourquoi? Car ils ont encore plus de facilité à s'introduire chez les femmes et on se méfie moins d'eux. Or la turpitude peut venir d'eux. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yakhlouanna rajulun bimra'atin fa inna shaytan thalithuhuma » Qu'un homme ne s'isole pas avec une femme, car un shaytan est leur troisième compagnon. Le troisième moyen employé par les ennemis, le neuvième moyen employé par les ennemis de l'islam est l'utilisation des médias de masse. Ils utilisent des techniques de manipulation mentale. Ils emploient la programmation via les médias de masse, qui sont des formes de médias conçues pour toucher la plus large audience possible. Cela inclut la télé, les films, la radio, les journaux, les magazines, les chansons, les jeux vidéo, Internet et autres. Les médias de masse et la propagande sont des outils qui doivent être utilisés par un petit groupe pour diriger le public là où il veut, sans correction physique, sans avoir recours à la force. Et même leurs propres penseurs le déclarent et décrivent ces procédés dans leurs ouvrages, comme Walter Lippmann, Barnes, Laswell et d'autres. Et sachez que les shows télé, la musique, les films, les journaux sont tous produits par un nombre limité de corporations dirigées par un groupe qui se dit l'élite. Et un nombre limité d'acteurs dans l'industrie signifie un nombre limité de points de vue et d'idées qui font leur chemin jusqu'au grand public. Également, cela signifie qu'une seule idée peut facilement tourner dans tous les médias pour générer le consentement. Et sachez qu'un seul extrait d'un média n'a pas un effet durable. Mais comme l'ont dit certains pour leur propagande, un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais répété 10 000 fois, il devient une vérité. Donc, vu que les médias de masse sont omniprésents et matraquent quotidiennement les gens, ils définissent la norme, ce qui est correct et exclut ce qui est indésirable. Leur programme est lentement, peu à peu, à maintes reprises présenté au monde dans les films, par exemple en incorporant cette idée-là dans l'intrigue, dans les clips qui rendront cette chose-là fun, sympa. Puis, après plusieurs années d'exposition, l'élite expose ouvertement son projet au monde qui est accueilli dans l'indifférence. Citons un exemple. L'homosexualité, qui est clairement contre nature. Il la présente depuis des années aux gens, dans les, comme par exemple dans des films, comme La Cage aux Folles et autres, comme quelque chose de fun, de sympa, de drôle. Et des années après, que se passe-t-il? Voilà qu'ils officialisent des mariages gays. Ya subhanallah. Et celui qui ose critiquer ou parler de cela sera taxé d'homophobie. D'un autre côté, il faut rimer salafiste avec terroriste. Donc les gens assimilent la salafia au terrorisme, chose à combattre pour le bien du monde. Pour leur propagande, ils utilisent de nombreux moyens. Par exemple, le premier moyen, le premier exemple, est les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter et autres, qui sont leurs outils pour récolter des infos, des informations sur les gens et permettre de prédire le comportement d'un groupe de personnes. et qui est ensuite utilisé pour créer des opinions et des mouvements de masse. Cela a d'ailleurs été largement employé dans l'embrasement de la fitna dans le monde arabe qu'ils ont vicieusement appelé « printemps arabe ». Le deuxième exemple est la musique, qui impose le mal comme étant bien et le bien comme étant mal, que ce soit par les paroles transmises ou les images relayées. Ils y nomment les choses autrement. Pourquoi ? Pour les embellir. Par exemple, le fornicateur pervers sera appelé playboy, et la fornicatrice dépravée, débauchée, sera décrite comme étant une bombe. Cela fait partie de Telbis Iblis, des ruses de Shaitan. Tout comme ils appellent l'alcool eau de vie. Et ce sont ces gens-là qui servent d'exemple à la jeunesse. Les gens sont envahis par la voix de Shaitan, dont ils connaissent les paroles par cœur à force de les entendre partout, et sont détournés de la parole d'Allah. Combien de personnes connaissent des paroles de chansons par cœur alors qu'ils ne connaissent que peu de Coran? Et si on leur demande d'apprendre le surat, cela devient quelque chose de très difficile. Le troisième moyen, le troisième exemple est la télé, qui est très largement utilisée, surtout dernièrement, avec les télé-réalités, où ils sélectionnent des gens représentant la société. Black, blanc, beurre. Pourquoi ? Pour que chacun puisse se reconnaître ou s'identifier à l'un d'entre eux ou en l'une d'entre elles. Ils veulent que ces gens, propulsés stars du jour au lendemain, deviennent des modèles pour les autres. En gros, si tu veux réussir rapidement, devenir célèbre, faire la une des médias, gagner plein d'argent, fais comme eux. Ya ibad Allah, réfléchissez et méditez. Pourquoi il y a quelques années encore, on ne voyait que peu de personnes d'origine arabe, pour ne pas dire aucune dans le paysage audiovisuel? Méditez. Puis regardez le cas de ces gens qui ont eu accès à la télé maintenant. L'un est prêt à tout pour faire rire les gens, même à tourner en dérision des prophètes. Tel autre passe son temps dénudé à vendre son corps pour devenir célèbre. Et c'est ce genre de femme que les mécréants veulent comme modèle pour les femmes d'origine arabe en général, pour les éloigner de leur religion. Ils veulent nous faire croire que c'est cela la réussite. Si c'était vraiment la réussite, sachez que jamais ils ne nous auraient permis d'y arriver. Méditez bien. Ils savent que la vraie réussite des musulmans, leur élévation, est dans le fait de s'accrocher à leur dîn, leur religion. C'est là la réussite des musulmans et là leur perte à eux. Le quatrième exemple, le football. Le foot. Les footballeurs à l'heure actuelle sont devenus plus que de simples joueurs qui divertissent les gens avec un ballon. Ils sont devenus un vrai moyen de communication. Ils s'en servent pour le contrôle d'esprit. Ils arrivent à imposer les modes les plus folles et les plus étonnantes et les gens les suivent. Citons un exemple tout simple. La coupe de cheveux, dit Trent. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à le qaza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le qaza, qui est le fait de raser une partie de la tête en en laissant une autre. Car ceci est du teshwi, de la défiguration. Et il y a quelques années, celui qui ratait son dégradé n'osait même pas sortir de chez lui. Maintenant, c'est ce qu'ils appellent la mode. Et là, subhanallah. Les gens peuvent connaître les noms des joueurs d'une équipe complète et ne même pas connaître le nom complet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ibadallah, faites attention, car les ennemis de l'islam utilisent ces moyens pour vous pousser vers l'illicite, ou même abuser du licite, pour vous distraire, vous occuper et vous éloigner de l'islam, d'apprendre l'islam, de pratiquer l'islam et de répandre l'islam. Tel est leur but. Le cinquième exemple, hein, les jeux vidéo, les dessins animés et autres. Pour s'accaparer des esprits dès le plus jeune âge, ils élèvent vos enfants à votre place, en leur inculquant ce qu'ils veulent et ils dénaturent leur fitra. Prenez garde, ya ibadallah, à qui vous confiez l'instruction de vos enfants. Tous les moyens sont bons pour faire passer leur message. Et celui-là est même l'un des meilleurs pour eux. Le sixième exemple, hein, les portables internet, qui facilitent l'accès à la débauche et sa propagation. Par exemple, la pornographie est devenue à la portée de tous par ces moyens-là. Exactement, et également les rencontres via Internet. Ils poussent les gens à se soumettre à leur passion pour ne pas se soumettre à leur Seigneur. Puis, ils osent traiter les musulmans de moutons. Mais c'est eux le véritable mouton manipulé par l'élite qui les dirige vers le mal. Le septième exemple est les journaux. Sachez, ya ibadallah, que tout ce qu'on vous dit est filtré. Il ne vous arrivera comme information que ce qu'ils veulent vous transmettre. Ne pensez donc point que c'est un moyen de vous renseigner sur ce qui se passe dans le monde. Et si vous comprenez cela, vous comprendrez mieux pourquoi les ennemis de l'islam ont recours à un complot international contre Dammaj, comme l'a cité Shir Abdelaziz al-Shir. Dans le silence le plus total, nous avons déjà vu que ce sont eux qui contrôlaient les médias et ne répondaient qu'est-ce qu'ils voulaient. Un petit village de 2 km², avec des maisons en tin, en terre, qui ne possède ni or, ni pétrole, ni argent, et qui se fait attaquer avec les moyens employés pour attaquer une nation. Tanks, canons, mortiers, missiles, hier, ibadallah, méditez, pourquoi attaquent-ils donc Dammaj? Car ils savent qu'ils possèdent bien plus rare, bien plus important et bien plus précieux que cela. Ils possèdent l'appel à Allah, au Tawhid, à l'islam, aux religions de vérité, à la croyance authentique, la science bénéfique et profitable qui fait sortir les gens des ténèbres à la lumière, qui profite à des gens de tout le pays par le biais de ceux qui étudient ici. C'est un frein au nouvel ordre mondial qu'ils veulent instaurer, pour lesquels ils utilisent les plans les plus machiavéliques et sont prêts à sacrifier des vies pour justifier leurs attaques du monde arabe sous couvert de lutte contre le terrorisme, prétexte-t-il. Mais qui sont les vrais terroristes? En résumé, Dammaj est un bâton dans les roues de leur conquête des pensées. Ils ont donc recours à la force. Mais comme l'a dit Cheikh Yahya al-Hajjouri, hafizahullah wa ta'ala, quelle que soit leur puissance, Allah est plus puissant qu'eux. Pour finir, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah wa ta'ala, dit qu'Allah va faire échouer leurs plans et leurs ruses. Pourquoi? Car ce sont des mufsides, des corrupteurs, des fauteurs de désordre. Or, inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Allah ne fait pas réussir ce que font les corrupteurs. Les musulmans doivent bien réfléchir et méditer la situation pour trouver la position à adopter. Il faut prendre conscience et cerner les plans et stratagèmes de leurs ennemis pour les faire échouer. Cela ne pourra se réaliser qu'en nous accrochant à Allah et à sa guidée. Le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, Salaf Saleh. Se repentir et revenir à lui avec beaucoup d'œuvres d'adoration. Demander son aide et garder en tête la parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَنْ تَرَدَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils le peuvent, vous détourner de votre religion. Je demande à Allah Azza wa Jal de guider cette communauté et de la préserver des ruses de ses ennemis et de lui accorder la droiture dans les paroles et les œuvres. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.